السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإني أحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لاتباع هدي سيد المرسلين الذي أنزل عليه القرآن الكريم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. Après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, prié sur son noble prophète et messager Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, sachez qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a fait don d'une grande grâce lorsqu'il envoya le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager, en tant que miséricorde pour l'ensemble des mondes, en tant que miséricorde pour l'ensemble des mondes. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Il l'envoya avec le plus grand signe, avec la plus grande preuve de la véracité de sa prophétie. Il l'envoya après lui avoir révélé al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an al-Majid, sa noble parole, Al-Qur'an, la parole d'Allah Azza wa Jal qui a été révélée sur le dernier prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah a révélé Al-Qur'an al-Karim sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et nous a enseigné sa valeur et son importance. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal, ça n'est pas une création, ça n'est pas une créature, c'est sa parole et son attribut. Allah nous dit dans le Coran, wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al munzirin. C'est certes la révélation du Seigneur des mondes. C'est certes la révélation du Seigneur des mondes. Allah Azza wa Jalla a parlé de par le Coran, le fit entendre à Jibril alayhi salam, l'ange de la révélation. Ce dernier est descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui transmettre cette révélation. C'est le plus grand signe avec lequel est venu un prophète. Dans ce livre, il y a la guidée. Dans ce livre, il y a la lumière. Dans ce livre, il y a le bonheur, la réussite. Il y a la dissipation de l'ensemble des ambiguïtés et des soucis. Il y a la délivrance. Il y a la préservation, il y a la miséricorde pour les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'avoir foi en ce livre, de le lire, de le méditer, de l'appliquer, de croire en ses informations, de rendre licite ses permissions, de rendre interdit ses interdictions. Et nous a fait la promesse de nous donner l'énorme grâce et l'énorme récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de très nombreux hadiths, nous montre la valeur du Coran et le mérite de ceux qui le lisent. En lisant le Coran, il y a énormément de bienfaits. Ne les connaît que celui qui l'a révélé, subhanahu wa ta'ala. Dans Surat Fatir, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Ceux qui récitent le livre d'Allah, accomplissent la prière et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, espère ainsi faire un commerce qui ne périra jamais, afin qu'Allah les récompense pleinement et leur ajoute de sa grâce. Il est pardonneur et reconnaissant. Dans Suratul Isra, Allah Azza wa Jal nous dit: Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'taduna lahum azaban alima. Dans Suratul Isra, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Ou plutôt avant ça, certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de meilleur ou de plus droit, et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense, et à eux et à ceux qui ne croient pas en l'au-delà, que nous leur avons préparé un châtiment douloureux. Toujours dans Surat al-Isra, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Dans Surat Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ya ayyuhan nas, قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Dans Surat al-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ya ayyuhan nas, قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. Aux gens, certes, une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur, et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante. Alors ceux qui croient en Allah et qui s'attachent à lui, il les fera entrer dans une miséricorde venant de lui et dans une grâce aussi. Il les guidera vers lui dans un chemin droit. Dans Surat Az-Zumar, Allah Azza wa Jal nous dit: Allahu nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabihan mathani taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وفي سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الله a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Voilà le livre, le guide d'Allah, par lequel il guide qui il veut, mais quiconque Allah égare n'a point de guide. Dans Surat Sad, voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets, et que les doués d'intelligence réfléchissent. Et que les doués d'intelligence réfléchissent. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans ces versets le grand mérite du Coran, la grande valeur du Coran. Et ce Coran a été révélé, chers auditeurs, non pas pour embellir nos bibliothèques, non pas pour remplir nos demeures et nos voitures, non pas pour qu'il soit représenté dans des tableaux, non pas pour que des pages soient affichées dans les salons ou dans les pièces ou sur les portes, non pas pour orner les foyers ni les décorer, mais celui qui lit le Coran, celui qui a le bon comportement lors de l'écoute du Coran, celui qui s'attache à la méditation, à la compréhension du Coran, pour le mettre en pratique, voici celui qui réussira et obtiendra les nombreux mérites du Coran. Les nombreux mérites du Coran. Et l'imam al-Ajurri, rahimahullahu ta'ala, dans Akhlaq, Hamalatil Quran, a magnifiquement détaillé ce point essentiel dans la vie du croyant. Comment écouter le Coran? Quel profit tirer de par l'écoute du Coran? Il faut le méditer, il faut chercher à l'appliquer. Et ceux qui se comportent ainsi, Allah Azza wa Jal leur a annoncé la bonne nouvelle dans le Coran. Et leur prépare l'énorme grâce et l'énorme récompense. Dans Sourate Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Fabashir ibad. Fabashir ibadi. Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladhina hadahumullah. Wa ulaika hum ulul albab. وقال سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Dans sourate Az-Zumar, annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs, qui prêtent l'oreille à la parole puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ce sont là, ou bien ce sont ceux-là qu'Allah a guidés, et ce sont eux les doués d'intelligence. Et dans Sourate Al-A'raf, et lorsque le Coran vous est lu, écoutez-le et observez le silence afin d'obtenir la pitié, la miséricorde. Ainsi, celui qui est attentif à l'écoute du Coran, celui qui cherche à comprendre le Coran, celui qui se comporte comme si on lui parlait à lui directement et qui cherche à comprendre ce précieux livre, cette parole d'Allah Azza wa Jal, celui-ci est celui qui tirera profit des versets et qui a reçu l'énorme nouvelle d'Allah Azza wa Jal dans ces versets. Et Allah Azza wa Jal nous a fait mention dans le Coran d'un autre peuple, d'une autre espèce, d'un autre djinns, d'une autre catégorie. Dès lors que ces gens-là ont su avoir la bonne écoute du Coran, ils ont reçu la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils ne sont pas humains. Qui sont-ils? Qui sont-ils? El-djinn. Des créatures d'un autre monde. El-djinn. Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans Sourate Al-Djinn. Il nous a informé dans Sourate Al-Ahqaf. Dès lors que ces derniers ont une oreille ou une écoute attentive et qu'ils ont cherché la vérité, Allah Azza wa Jal leur a accordé la guidée, plus encore. Qala subhana bismillahir rahmanir rahim qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bih. Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dire, nous avons certes entendu un Coran merveilleux, ou une lecture merveilleuse, qui guide vers la droiture, nous y avons cru, et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. Dans Sourate Al-Ahqaf, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ الآيات. Et rappelle-toi lorsque nous dirigeâmes vers toi un groupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. Quand ils assistèrent à sa lecture, ils dirent « Écoutez attentivement ». Puis quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. En avertisseurs. Ô notre peuple, nous avons entendu un livre qui a été révélé après Moussa, qui certifie ce qui est passé et qui guide à la vérité au chemin droit. Donc ils ont invité leur peuple, subhanallah, ils sont arrivés associateurs. Après l'écoute du Coran, ils ont embrassé l'islam et sont retournés à leur peuple pour les inviter à l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce Coran pour qu'on le médite. Il nous dit dans son livre, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Il nous dit, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Dans Surat Muhammad, ne médite-t-il pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Et dans Surat An-Nisa, ne vont-ils pas méditer le Coran? Et si cela avait été d'un autre qu'Allah, ils y auraient vu beaucoup de contradictions. Ne voyez-vous pas ici qu'Allah vous fasse miséricorde, que notre maître, Allah subhanahu wa ta'ala, nous a encouragés à méditer sa parole, afin de connaître notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, de connaître sa domination sur nous, sa pleine capacité, ses nombreux bienfaits, ses nombreuses grâces sur les croyants. Il nous a fait savoir ce qui était obligatoire pour nous, de le connaître, de connaître son prophète, de connaître l'islam, de connaître la prière, de l'appliquer, de s'acquitter de la zakat, de connaître le jeûne, de le faire. Il nous a mis également en garde contre lui, sa menace, sa punition. Il nous a fait désirer le bien et le paradis, il nous a fait peur de son courroux, de son enfer. Celui qui, lorsqu'il lit le Coran, cherche tout cela, cherche à comprendre tout cela, à appliquer tout cela, le Coran sera pour lui, sans aucun doute, une guérison totale et complète. Il se sera enrichi sans argent. Il aura obtenu noblesse et suprématie sans armée. Et il obtiendra la meilleure compagnie, bien qu'il sera seul. Et son but, lorsqu'il lira les sourates du Coran, lorsqu'il ouvrira le mushaf ou lorsqu'il commencera la lecture d'une sourate, son but ne sera pas quand est-ce que je vais finir cette sourate, quand est-ce que je vais arriver à sourate An-Nas, mais son but sera quand est-ce que je vais tirer profit, quand est-ce que je vais tirer profit des exhortations du Coran, de ce que je récite, quand est-ce que je vais comprendre ce que mon Seigneur a voulu dans ce verset, quand est-ce que je vais savoir ce qu'Allah veut de moi afin de l'appliquer, quand est-ce que je vais comprendre le Coran, quand est-ce que je vais cesser ce péché, quand est-ce que je vais appliquer cet ordre, quand est-ce que je vais tirer des leçons de ces récits, quand est-ce que je vais adorer Allah réellement avec ce Coran, quand est-ce que je vais sortir de cette insouciance. Et son but ne sera plus jamais quand est-ce que je vais finir cette sourate. Ainsi, pour s'entraider dans ce bien et prendre nos provisions vers l'agrément d'Allah, la réussite, vers son paradis et son agrément, il nous faut lire certains versets, certains hadiths qui vont nous motiver et nous rendre désireux de lire le Coran, de lire le Coran, de psalmodier la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, sachez qu'Allah a ordonné cela à son messager. Dans Surat An-Naml, قال سبحانه إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. Il m'a été seulement commandé d'adorer le Seigneur de cette ville qu'il a sanctifié, Mecca, et à lui toute chose. Il m'a été commandé d'être du nombre des musulmans et de réciter le Coran. Et de réciter le Coran. Voici l'ordre d'Allah sur son prophète. Et la communauté le suit. Quiconque se guide, c'est pour lui-même en effet qu'il se guide, et quiconque s'égare, alors dit, je ne suis que l'un des avertisseurs. Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Kahf nous dit, وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Lis ou récite ce qui t'a été révélé comme livre de la, comme livre de ton Seigneur. Lis ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Du livre de ton Seigneur. Voici l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lire le Coran. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Dans surat al-Ankabut, utlu ma uhiya ilayka min kitab. Ou plutôt, utlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqimi s-salah. Inna s-salata tanha anil fahshai wal munkar. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. Et récite ce qui t'est révélé du livre. Accomplis la prière. En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand, et Allah sait ce que vous faites. Dans tes différents versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de lire sa parole, de lire le Coran, de suivre ses versets, de les appliquer. Parce que la lecture, des fois, vient dans le sens du suivi de l'application. L'imam al-Shawkani, rahimahullahu ta'ala, dans le tafsir de Sourate al-Kahf, a dit أمره الله سبحانه أن يواظب على تلاوة الكتاب الموحى إليه. L'imam al-Shawkani rahimahullah ta'ala nous dit, Allah lui a ordonné, c'est-à-dire a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de constamment lire le livre qui lui a été révélé. De constamment lire le livre qui lui a révélé. Qui lui a été révélé. Et le sens de utlu, li, récite, peut être considéré comme aïtabi'a. Il fut dit que utlu, récite, peut être considéré ici comme le sens de suit. De suit. Sa parole s'arrête ici. L'imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala, a dit يقول الله تعالى ذكره لنبي محمد صلى الله عليه وسلم واتبع يا محمد ما أنزل إليك من كتاب ربك هذا ولا تتركن تلاوته. الله سبحانه وتعالى élevé soit sa mention, sa renommée ou son nom à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, suis ô Mohammed ce qui t'a été révélé comme livre de ton Seigneur. Et ne délaisse pas sa lecture. Et ne délaisse pas sa lecture. Parmi les mérites de la lecture du Coran, le fait que la sakina descende, le fait que la sérénité, la quiétude et l'apaisement descendent sur celui qui lit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Bara ibn Azib radiallahu anhuma nous dit « Qara'a rajulun al-kahfa wa fi d-dari d-dabbatun ou wa fi الدار الدابة فجعل تنفر فسلم فإذا ضبابة أو سحابة غشيته فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن رواه البخاري ومسلم. البراء بن عازب رضي الله عنه ندي كان ما غيسيتي سورة الكهف chez lui. Et sa monture a commencé, يعني comme a bougé dans tous les sens, à s'exciter. Et il a donc clôturé sa prière avec le taslim. C'est alors qu'il a vu au-dessus de lui comme un nuage. Il a mentionné cela par la suite au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit « Récite, ô un tel, c'est la sérénité, c'est la quiétude qui est descendue de par la lecture du Coran, de par la lecture du Coran rapporté par le Bukhari Muslim. » Dans un autre hadith, Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu nous dit que Usayd ibn Hudayr, alors qu'il lisait durant une nuit le Coran, son cheval a bougé sévèrement. Il a eu peur qu'il touche une personne. Alors il a cessé et en se déplaçant, il a vu comme un amas de nuages au-dessus de sa tête, comme une chose qui le couvrait, des nuages ou autres. Et il a vu comme des lanternes. Il a vu comme des lanternes. Par la suite, il est parti trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'informa de ce qui s'est passé la nuit précédente. Et cela s'est passé plusieurs fois. Et à chaque fois, le prophète alayhi salat wa sallam lui disait de réciter le Coran. Il lui disait, ô fils de Hudayr, il s'appelle Usayd, ô fils de Hudayr, récite. Et à chaque fois, cela se reproduisait. À chaque fois, cela se reproduisait. Par la suite, après que cela se soit passé plusieurs fois, le prophète sallam l'informa de la réalité de tout cela. Il lui dit, tilka al-mala'ika kana tasma'u lak. C'était les anges qui écoutaient ta lecture. Walau qara'ta la asbahat yaraha an-nasu. Et si tu avais poursuivi ta lecture, arrivé au matin, les gens auraient pu les voir. Les gens auraient pu les voir. Ainsi, nous voyons la descente des anges pour la lecture du Coran, la descente de la miséricorde pour la lecture du Coran. Un autre bienfait de la lecture du Coran. Celui qui lit le Coran, mémorise le Coran et l'enseigne sera la meilleure des personnes. Uthman ibn Affan radiallahu anhu nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama » rawahu al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui aura appris le Coran et l'aura enseigné. » Il aura enseigné. Dans une autre version, inna afdalakum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Donc, voici ici un grand encouragement à la lecture du Coran, à la mémorisation du Coran, puis à l'enseignement du Coran. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala accorder les plus hauts degrés du paradis à nos frères et sœurs qui ont mis du temps dans la mémorisation du Coran, dans son application, puis dans sa propagation. Ils donnent du temps à leurs frères et sœurs pour l'enseignement du Coran, ainsi qu'aux enfants des musulmans. Jazakumullahu khayra wa barakallahu fikum wa fi waqtikum. Puisse Allah Azza wa Jal bénir votre temps et vous ajouter de ses grâces. Donc, celui qui lit le Coran, mémorise le Coran, étudie le Coran, enseigne le Coran, sera la meilleure des personnes. Sera la meilleure des personnes. Parmi les grands bienfaits du Coran, les énormes récompenses qu'il y a dans la lecture du Coran, notamment dans la prière. Abu Hurayrata radiallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ayuhibbu ahadukum idha raja'a ila ahli ayyajida fi thalatha khalifat idhamin siman ay naqatul hamil ila ayyamdi laha nisf amadiha. » هذا معنى خليفات. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit aux compagnons, est-ce que l'un d'entre vous aimerait rentrer auprès des siens et y trouver trois chamelles grosses, grasses, portant en elles, yani ayant un petit dans le ventre, ayant atteint la moitié de la gestation? Qulna na'am, nous dîmes oui au messager d'Allah, oui. قال فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان أخرجه مسلم. Alors sachez que trois versets, écoutez bien ce hadith, sachez donc que trois versets que l'un d'entre vous récite dans sa prière est meilleur pour lui que trois grosses chamelles. Grâce. Arrivée à la moitié de la gestation. Elle porte en elle son petit, elle est arrivée à la moitié de la date avant de mettre bas. Allahu Akbar. Avez-vous entendu ce hadith? Lorsque nous sommes en prière, en récitant trois versets, c'est meilleur que de rentrer chez nous et de trouver trois des plus grandes richesses chez les Arabes. Et selon Uqba ibn Amir, radiallahu anhu, قال, خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم est sorti alors que nous étions à As-Suffa. As-Suffa, c'est un endroit qui est à la mosquée, apprêté pour les pauvres. فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوم ماوين في غير إثم ولا قطيع رحم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur est venu alors que ils étaient dans cet endroit réservé aux pauvres. Il leur dit, qui parmi vous aimerait chaque jour se rendre à Budhan ou à El Aqiq et revenir de cet endroit avec deux chamelles des plus belles, avec les caractéristiques les plus prisées chez les Arabes. Yani, avec le yani vraiment énorme et montant vers le haut. Kouma wain ay naqatul azima al azimatus sanam. Revenir avec deux grosses chamelles sans avoir commis de péché ni coupé de lien de parenté. Qulna bala ya rasulallah. Qulna ya rasulallah nuhibbu dhalik. Nous dîmes, ô messager d'Allah, nous aimerions tous cela. Qal, أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل أخرجه مسلم. Le prophète عليه الصلاة والسلام leur a dit, lorsque l'un d'entre vous se rendent à la mosquée pour apprendre ou pour lire deux versets du livre d'Allah est meilleur pour lui que deux chamelles. Et trois versets du livre d'Allah est meilleur pour lui que trois chamelles. Et quatre est meilleur que quatre. Et leur semblable en nombre de chameaux. Rapporté par l'imam Muslim. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre de retourner à la mosquée pour l'adorer. Et psalmodier sa parole et la mémoriser. Ici, comme le dit l'imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, il y a un encouragement à étudier le Coran. À étudier le Coran. Parmi les mérites du Coran, le fait que celui qui le psalmodie, celui qui le psalmodie, sera avec les anges. Aïcha radiallahu anha nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, المهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه الشاق له أجران. متفق عليه. عائشة رضي الله عنها نود المسجد الله صلى الله عليه وسلم أجي. Celui qui psalmodie très bien le Coran sera avec les nobles messagers. Sera avec les nobles messagers obéissants. Comme a expliqué l'imam al-Nawawi. C'est-à-dire les anges. C'est-à-dire les anges. Et il fut dit que Safara est al-Kataba. Il fut dit les scribes aussi. Donc, il sera avec les anges. Celui qui psalmodie bien le Coran, celui qui n'a pas de difficulté à réciter le Coran, celui pour qui c'est facile. Et pour arriver à ce niveau, il faut s'entraîner, il faut étudier, il faut lire régulièrement et s'aider d'Allah Azza wa Jal et ne pas se décourager. Y a-t-il quelque chose pour ceux qui ont de la difficulté? Y a-t-il quelque chose pour les débutants? Y a-t-il quelque chose pour ceux qui ont embrassé l'islam et qui n'avaient pas cette langue-là? Y a-t-il quelque chose pour les étrangers à la langue arabe qui l'étudient, qui font des efforts? En effet, la suite du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Quant à celui qui lit le Coran en butant sur ses mots et il lui est difficile, celui pour qui cela est difficile, celui-ci a deux récompenses. Celui-ci a deux récompenses. Ainsi, nous voyons que toute personne qui lit le Coran, que ce soit avec facilité ou avec difficulté, a une énorme récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Que la personne mémorise le Coran ou non, elle aura cette grande récompense. Elle aura cette grande récompense. Il y a d'énormes mérites à se réunir pour l'étude du Coran et sa lecture. Non pas lire en groupe d'une seule et même voix comme le font certaines personnes, souvent par ignorance malheureusement. Ceci n'est pas légiféré, ceci n'est pas permis. Mais une personne lit et les autres écoutent. Abu Hurayrata radiallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه أخرجه مسلم. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'y a pas un groupe de personnes qui se réunit dans une demeure d'Allah, dans une demeure parmi les demeures d'Allah, c'est-à-dire la mosquée. C'est-à-dire la mosquée. Il récite le livre d'Allah et l'étudie entre eux, sans que, donc toute personne qui fera cela, quelle sera la récompense? Quel sera le bienfait? Sans que la sérénité, la quiétude descende sur eux. Que la miséricorde les entoure, les enveloppe. Que les anges les entourent. Et qu'Allah les mentionne à ceux qui se trouvent auprès de lui. C'est-à-dire les anges rapprochés. Et celui dont les actions, et celui qui aura été retardé par ses actions, sa lignée, son nom, ne lui fera pas rattraper ce retard. Le fait qu'il soit d'une famille noble, issu d'une famille noble, le fait qu'il soit le fils d'un tel, tout cela n'élèvera pas cette personne. Car la relation avec Allah est de par la croyance et les actions pieuses. Et l'éloignement d'Allah est de par la mauvaise croyance et de par les mauvaises actions et les mauvaises paroles. Donc on voit ici un mérite évident pour le fait d'étudier le Coran en groupe et de se réunir pour cela. Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde tout cela, la sérénité, la quiétude. Combien se plaignent de troubles du cœur. Combien se plaignent de se sentir mal. Voici le remède, l'étude du Coran. L'étude du Coran est plus grand que tout cela. Allah Azza wa Jal te mentionne et il fait tes éloges. Subhanahu wa ta'ala, il te mentionne, toi, nous, les serviteurs faibles que nous sommes. Celui qui a conscience de tout cela prendra énormément de plaisir à psalmodier le Coran. Une énorme récompense qu'Allah Azza wa Jal accorde à ceux qui lisent le Coran. Pour chaque lettre, il leur donne 10 récompenses au minimum. Abdullah ibn Saoud nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man qara harfan min kitabillah falahu bi hasana wal hasanatu bi ashr amthaliha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Akhrajahu at-Tirmidhi. Celui qui lit une lettre du livre d'Allah aura pour cela une récompense. Et chaque récompense sera multipliée par 10. Ou avec chaque récompense, 10 fois son équivalent. Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alifun est une lettre. Lam est une lettre et Mim est une lettre. Donc combien de hasanat, subhanallah? Combien de hasanat, celui qui lit Al-Fatiha? Mais si une personne peut lire regarder le nombre de lettres et m'informer de cela. Combien de hasanat lorsqu'on lit une page de Coran? Combien de hasanat lorsque nous lisons un hizb 10 pages du Coran, un juz 20 pages du Coran? Combien de hasanat celui qui lit une khatma, la moitié du Coran, une khatma? Habbada, si une personne peut m'envoyer cela, barakallahu fikoum, combien de lettres, combien de hasanat? Allahu Akbar. Chers auditeurs, nous sommes dans le mois du Coran. Nous sommes dans le mois de la lecture du Coran. Voici quelques jours qui sont passés du mois de Ramadan. Et le mois de Ramadan, ayyam ma'doudat. Le mois de Ramadan, c'est quelques jours seulement. 29 ou 30. Et nous allons compléter une semaine des journées de Ramadan. Où en es-tu, cher frère, dans la lecture du Coran? Tu es arrivé à quelle page du Coran? Où en es-tu, chère sœur? Tu es arrivé à quelle page du Coran? L'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, dans le mois de Ramadan, finissait le Coran chaque jour, une à deux fois. Allahu Akbar. Dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, les pieux prédécesseurs, et cela fera l'objet d'une allocution, incha'Allah ta'ala, il finissait énormément le Coran, énormément de fois le Coran. Donc il faut redoubler d'efforts, il faut se motiver. Il faut se motiver, barakallahu fikum. C'est pour cela qu'on cite ces textes-là, pour avoir les provisions nécessaires, en motivation, pour avoir les provisions nécessaires pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Voici une manière de retenir sa langue. Même dans le mois de Ramadan, certains utilisent leur langue pour désobéir Allah azza wa jal, pour semer le mal, pour mentir sur la religion d'Allah, pour mentir sur le prophète alayhi salat wa salam, pour mentir, pour colporter, pour faire de la médisance et d'autres péchés de la langue. Occupons notre langue avec la lecture du Coran. Un autre bienfait, un autre mérite avec la lecture du Coran, tu seras élevé dans ce bas monde et dans l'au-delà. Nafi' ibn Abd al-Harith a rencontré un jour Omar à un endroit qui s'appelle Usfan. Omar ibn Khattab était le gouverneur, était le responsable des croyants. Et il avait mis Nafi' en tant que responsable à la Mecque. Yasta'milu à la Mecque. فقال لما لقيه من استعملت على أهل الوادي عمر بن الخطاب l'a rencontré dans cet endroit. Il lui a donc dit qui as-tu mis en tant que remplaçant pour les gens de la vallée, pour les gens de Mecca en ton absence. فقال ابن أبزة قال ومن ابن أبزة. Il lui a dit j'ai mis ابن أبزة. Il lui a dit c'est qui ابن أبزة. قال مولا من موالينا. Il lui a dit un ancien ou un affranchi parmi nos anciens esclaves, nos anciens servants. Omar ibn al-Khattab s'est étonné et lui a dit فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِ مَوْلَى. Tu as mis en responsable à leur tête un maoula, un affranchi, un ancien esclave. قَالْ إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِدِ. Il lui a dit oui, mais c'est un lecteur du Coran. Les lecteurs du Coran, c'était les savants. C'est un lecteur du Coran, savant de la science de l'héritage. Qala Omar, amma inna nabiyyakum sallallahu alayhi wa sallam qad qal, inna Allah yarfa'u bihada al-kitab aqwaman wada'u bihi akharin, akhrajahu Muslim. Ibn Abza, ou plutôt Nafi' Adyub, à Omar ibn Khattab, et c'est un lecteur du Coran et savant de la science de l'héritage. Omar lui a donc dit, s'il en est ainsi, sachez que votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, certes Allah par ce livre va élever certaines personnes et en rabaisser d'autres. Rapporté par l'imam Muslim. Ainsi, celui qui lit le Coran, qui le médite et l'applique, Allah l'élèvera. Et celui qui se détourne du Coran et désobéit à ce qu'il y a dans le Coran, Allah l'avilira. Plus la personne donne de l'importance au Coran, plus Allah Azza wa Jal l'élève. Et de là, tu vois l'erreur des étudiants en sciences qui, après 5 années d'études, après 10 années d'études, ne mémorise que très peu du Coran. Certains peut-être sont montrés du doigt et ont une haute notoriété. Et ils ne mémorisent pas juz amma. Ils ne mémorisent pas juz tabarak. Malgré la capacité à le faire. Mais ils ont accordé plus d'importance à autre chose. Ici, ça n'est pas le blâme adressé à celui qui n'arrive pas à mémoriser beaucoup de Coran. Non. Le blâme est adressé à ceux qui ont la capacité de mémoriser du Coran, mais ont préféré mettre leur temps dans des choses secondaires. Il n'y a pas de honte à ne pas réussir après avoir fait des efforts. Mais il y a un blâme lorsqu'on a la capacité de s'améliorer et qu'on ne le fait pas. Les adeptes du Coran sont les privilégiés chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est bien aimé, c'est rapproché. Anas ibn Malik nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. أخرجه ابن ماجه وأحمد. وقال العلامة مقبل ابن هادي الوادع رحمهم الله إسناده صحيح. Certes, Allah a des privilégiés parmi les gens. Qui sont-ils aux messagers d'Allah? Ce sont les adeptes du Coran. Ce sont les rapprochés d'Allah, ces privilégiés. Tout cela nous encourage à la lecture du Coran, à la méditation, à méditer le Coran, à lire le Coran, à mémoriser le Coran, à chercher à comprendre le Coran, à appliquer le Coran. Mais attention, il nous est dit dans l'explication, dans le Hashiya d'Ibn Majah, « قال السندي رحمه الله أي أولياءه المختصون باختصاص أهل الإنسان به » Ce n'était pas le naql que je voulais mentionner. Certains savants ont dit que ceux qui entrent dans ce hadith sont ceux qui l'appliquent. Sont ceux qui appliquent le Coran. Sont ceux qui appliquent le Coran, même s'ils ne le mémorisent pas par cœur. Et ceux qui mémorisent le Coran par cœur n'entrent pas dans ce hadith s'ils ne l'appliquent pas. S'ils ne l'appliquent pas. Parmi les mérites du Coran, c'est que la jalousie est permise pour celui qui mémorise le Coran et le récite de jour comme de nuit. On a le droit de l'envier. C'est-à-dire de souhaiter être comme lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme le rapporte Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, la hasada illa fithnatayn. رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار متفق عليه. Prophète sallallahu alayhi, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a de jalousie que dans deux choses. De jalousie, c'est-à-dire elle répta, c'est-à-dire on a le droit de souhaiter être comme une personne. On a le droit d'envier une personne dans le sens de souhaiter être comme elle, que pour deux caractéristiques. Une personne, un homme à qui Allah a donné le Coran, ainsi le récite de jour comme de nuit. Et un homme à qui Allah a donné de l'argent, il le dépense de jour comme de nuit. Il le dépense de jour comme de nuit. À la base, al-hasad, la jalousie, l'envie, c'est le fouet, c'est... C'est le fait d'espérer, de souhaiter qu'Allah enlève son bienfait sur celui qu'il a gratifié. Puis, la personne peut souhaiter que ce bienfait vienne sur elle ou non. Dans tous les cas, c'est de la jalousie, c'est haram. C'est haram. Allah nous dit en Coran, dans Surah An-Nisa, le verset 45. أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Vont-ils envier les gens devant ce qu'Allah leur a accordé comme faveur? Donc c'est blâmable. C'est blâmable. Par contre, de souhaiter être comme les gens de bien, ça c'est louable. Et celui qui a donné à Zayd, c'est celui qui peut te donner à toi. Demande à Allah Azza wa Jal, وَاسْأَلُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Demande à Allah de ses grâces. Donc on a le droit d'envier ces gens-là, de souhaiter être comme eux. Celui qui a le Coran et qui le récite de jour comme de nuit, il le mémorise, il l'applique, il le psalmodie. Et celui qui a des richesses, il dépense pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les grands bienfaits de ceux qui, ou bien les grandes grâces qu'Allah, Allahumma sayyib al-nafiyan, parmi les grandes grâces qu'Allah azza wa jalla accorde à ceux qui lisent le Coran et l'appliquent, c'est que le Coran va intercéder en leur faveur yawm al-qiyamah. Il va intercéder en leur faveur le jour dernier, le jour où ne sera d'aucune utilité, ni argent, ni enfant, le jour où les cheveux des enfants vont blanchir, le jour de l'énorme perte, le jour dernier, le jour des comptes, le jour du jugement, le jour où il y aura les bienheureux et les malheureux. On demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver en ce jour-là. et de permettre au Coran et aux jeunes d'intercéder en notre faveur. Jabir ibn Abdillah radiallahu anhuma nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-Qur'an a mushafi'a. Le Coran intercédera. Wa hamilun musaddiq. Man ja'alahu amamahu qadahu ila al-janna wa man ja'alahu khalfahu dhahara khalfa dhahrihi saqahu ila an-nar. Akhrajahu Ibn Hibban. Sahahu al-Albani rahimahullah ta'ala. Wa hassanahu al-Wadi'i rahimahullah. J'ai dit Moussaddiq, c'est plutôt Moussaddaq. Qala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Al-Qur'an mushaffi' wa hamilun afwan wa mahilun Moussaddaq ay shahidun Moussaddaqun inda Allah. Al-Qur'an mushaffi' le Qur'an mushaffi' intercédera. Wa mahilun, il sera un témoin, yani qu'on croira auprès d'Allah, ou certifié auprès d'Allah. Celui qui le met devant lui, il le guidera au paradis. Celui qui le met derrière lui, il l'entraînera en enfer. Abu Umamah al-Bahili radiallahu anhu nous dit, Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, Iqra'u al-Qur'an, lisez le Qur'an, fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabi. Lisez le Qur'an, car il viendra le jour de la résurrection en tant qu'intercesseur pour ses adeptes. Et on mentionne particulièrement Surat al-Baqarah et Surat al-Imran, qui viendront argumenter en faveur de ses adeptes, ceux qui le lisaient, ou ceux qui les lisaient, ou les mémorisaient, ou les appliquaient. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit également, Iqra'u surat al-Baqarah, lisez surat al-Baqarah, fa inna akhdaha baraka, car de prendre cette surah, c'est une bénédiction, wa tarka hasra, de la délaisser, c'est une perte, wa la tastati'uha al-batala, et les sorciers n'ont pas la capacité avec celle-ci. Rapporté par l'imam Muslim. Pour qui est-ce que le Coran intercédera? Dans le hadith de Nawas ibn Sam'an, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران. On nous mentionne ici la condition pour que le Coran intercède en notre faveur. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit que le Coran, le jour de la résurrection, viendra ou sera apporté avec ceux qui, avec ses adeptes, ceux qui le mettaient en pratique. Les devancera Surat al-Baqarah et Ali Imran. Il y a même des textes qui mentionnent que celui qui a le Coran sera habillé des plus beaux vêtements, il sera couronné, et pareil pour ses parents. Pareil pour ses parents. Naam. Et c'est comme si j'entendais la noble mère dire à son enfant, apporte-moi ma couronne, et ani mémorise le Coran afin que j'ai cette couronne yom al-qiyam. Celui qui lit le Coran, le psalmodie, le mémorise, sera élevé dans les plus hauts degrés du paradis le jour dernier. Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma nous dit, j'ai entendu, ou bien le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, yuqalu li sahibi al-Qur'an, iqra' wartaqi warattil كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أخرجه أبو داود وحسنه الوادعي رحمه الله. On dira à l'adepte du Coran, lis, élève-toi et psalmodique tout comme tu le faisais dans ce bas-monde. Ton élévation aura lieu jusqu'au dernier verset que tu réciteras. Yani, plus tu liras de versets, plus tu seras élevé au paradis. Donc ici, on nous encourage à lire le Coran, à méditer le Coran, à mémoriser le Coran. À mémoriser le Coran. Et il fut dit que cela lui sera dit lorsqu'il entrera au paradis. Lorsqu'il entrera au paradis. Et cela concerne celui qui appliquait le Coran. Pas celui qui ne l'appliquait pas. Pas celui qui ne l'appliquait pas. Les versets et les hadiths sont bien plus nombreux que cela. Il y a dans cela, Inch'Allah, un encouragement suffisant pour celui qui a un cœur vivant et qui a une oreille attentive. Pour celui qui a un cœur vivant et qui a eu une oreille attentive. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à lire le Coran, à psalmodier le Coran, à chercher à le comprendre, à l'appliquer, à l'enseigner à nos proches et à le propager et à le propager. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن أسألك بحبي لكتابك ولتلاوة كتابك ولمساجدك أن ترفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء وأن تشفي مرضانا مرضى المسلمين إنك أنت الشافي أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.